Vivre et créer à la montagne, ce soir en direct, depuis un bon bout de temps que j'étais plus en direct. Et oui, les répétitions sont finies et le théâtre continuera, mais pas tout de suite. L'antenne semble me dire qu'il y a un petit problème d'antenne, mais non, pas vraiment. Il y avait un bruit, ouais, mais je continue. Peut-être lié au vinyle, qui sait? Est-ce que c'est un vieux vinyle des années vinyle? On va arrêter le vinyle et on va un peu parler, là ça a l'air de plus grondé, on va parler un peu de la soirée un peu particulière. Ouais, en effet, je sors d'une période très très très très chargée en théâtre. Là, on était notamment à la fête des mines il n'y a pas longtemps, on était au Tio, on était au festival des Arts Mélangés mercredi dernier, grande cascade et petite cascade, petite d'abord, grande après, de tendons magiques d'ailleurs. Merci d'ailleurs le public venu même mercredi. Et puis avant c'était à Blanchemer également, magique, avec un public qui a bravé l'orage promis par la météo. Il fallait pas la croire, la météo, on a bien fait d'y aller. Moi-même je la croyais. On devait jouer sous la patinoire de la Bresse et puis heureusement on l'a pas fait. Alors jouer quoi? Ben jouer Eldorado, la nouvelle pièce que j'ai commis avec la troupe Recrée, et une nouvelle pièce qui réjouit le monde, je crois. Mais les montages d'enregistrement effectués à Blanchemer par l'ami Gravier et au Cascade Attendant par l'ami Mimi, oui, qui nous a enregistré. C'est pas encore monté parce que forcément, hein, c'est pris dans le vif. Voilà. Alors le festival des Arts Mélangés, je continue à en parler parce que ça continue ce week-end. Alors, d'abord, nous, qu'est-ce qu'on a fait dans le festival des Arts Mélangés? Nous à la fois atelier d'écriture, recrée, bon, du théâtre, effectivement, je vous le disais, c'était dimanche dernier à Blanchemer, et également Attendons aux Cascades. C'était un théâtre dans la nature avec l'ami Christophe Toussaint, qu'on entendait un peu dans les musiciens de la vallée des lacs, qu'on entendait précédemment un peu, enfin qu'on entendait Christophe Toussaint au milieu des musiciens de la vallée des lacs, dont il faisait partie. Et donc, Christophe Toussaint, Michel Génini, on reproduira tout ça, surtout qu'on annoncera bientôt, et ce serait pas si longtemps que ça, le 7 juillet, les Feux du Ballon, les 23e cette fois-ci, et voilà, et avec une animation aussi toute la nuit, on décale un peu par rapport au solstice, bien sûr, parce que d'abord parce qu'on a toujours du mal à être dans les temps, faut dire ce qui est. Ensuite parce que à la fois c'est une fête entre les vallées alsaciennes, comtoises, vosgiennes, et aussi il y a pas mal de gens qui arrivent l'été, qui sont contents de trouver ça, de trouver l'esprit de la montagne. Voilà. Bon, il y a énormément de choses à dire. On pourrait parler aussi de la saison du Théâtre du Peuple, qui va commencer bientôt, avec Littoral. Je vous le redirai, hein, parce que il faudra que je vous en reparle un peu en détail de Littoral. Une pièce très épique, comique, forte, inattendue. Et le soir, c'est du Molière. Molière, toute la soirée. Toutes les soirées du Molière, du Molière, du Molière, Molière revu par Vitesse. Voilà, c'est tout dire. Alors donc, une saison particulière du Théâtre du Peuple, on en reparlera largement. Mais bon, moi, là, pour l'instant, c'est les arts vivants, les arts mélangés, et j'annonce déjà... Alors, ce qui s'est passé, je vous disais, il y a eu le théâtre, on a fait un atelier d'écriture avec l'ami Stéphane Elie, président de la Langue de Travers, et l'Union des écrivains vosgiens, que je co-préside, ouais, parce qu'on est plusieurs, là, voilà. Pour le principe, hein. Parce qu'il y en a la moitié, les deux tiers qui, des autres présidents qui sont à Contrexéville, et le dernier tiers, au quart, c'est moi. Dans la montagne, donc, un atelier d'écriture sympathique, tissant des liens, autour du château de Saussure. C'était quand même quelque chose de fort. On va voir ça dans le journal, quand l'article sera fait. Voilà. Et puis, j'en reparlerai aussi. Il y a tellement de choses. Mais tout ça, faut le monter en radio, c'est pas que ça. Alors, je vais parler par contre de ce qu'il y a encore à voir. Circuler, il y a encore à voir au Festival des Arts Mélangés. C'est-à-dire qu'à la rediffusion mercredi, ça sera trop tard, hein, bien sûr. Mais là, on est encore que vendredi, en direct. Et donc, qu'est-ce qu'il y a demain? Eh ben, je vais essayer de lire le programme, il y a beaucoup de choses. Alors, en art vivant, il y a hip-hop et nos fins au Avanier. Hein, page 15. Page 15, donc, je lis. Qu'est-ce que ça peut-il être, donc? Quelque chose d'intéressant, sûrement. Street art, musique, danse, graffiti. Médiathèque de Vanier. Pas besoin de se déplacer en ville, la culture urbaine sous toutes ses coutures s'accapare aussi au milieu rural à travers 5 événements artistiques emblématiques de la culture hip-hop, le rap, le graff, la danse hip-hop et le bolas, sans pour autant que ce soit le Bronx. Voilà, c'est toute la journée à partir de 10h, démonstration de graffiti, puis toute la journée à hip-hop et nos fins. Fin, c'est comme les Vosgiens. Voilà. Donc ça, c'est demain, à Vanier. Alors, je continue parce que on n'a peut-être pas assez parlé dans les détails de tout ça. Tricotant du lien. Ah ben non, ça c'était la semaine dernière. Non, ça, ça va fait. Toujours demain, l'atelier du théâtre à 10h30 à Cormont. Page 15, comme ça, si vous avez la brochure, vous pouvez me suivre. C'est aussi bien, c'était une belle brochure qu'a fait la Comcom, d'ailleurs. Comcom du Haut-Vosges. Là, c'est du théâtre, à l'ESP de Cornimont, associé sphère culturelle et scolaire pendant une année sur le thème Tissons des liens. Avouez que l'idée se prête bien à l'enfance. Et donc, c'est les enfants qui sont inscrits à l'espace culturel et social et qui ont fait des mises en scène de spectacles pour tous. Tout ça est toujours gratuit, je précise. Parce que l'apprentissage des rapports humains est tout autant l'apanage des enfants que celui des adultes. Voilà. Donc j'y suis, la même page, samedi 16 juin à 14h30, toujours à Cornimont, l'étoffe des mots, lecture théâtralisée à Cornimont, 14h30, début de la voie verte. Voilà, exposition des textes dans l'école. Ah oui, les textes ont été exposés avant, mais voilà. Franck Boyer, écrivain, a entrepris de transmettre son savoir aux spectateurs et au moyen de poésie et de textes courts sur la culture locale de l'industrie textile. Visite de musée et rencontres avec d'anciens ouvriers ont enrichi leurs approches. Voilà. Ça m'a l'air très intéressant. Ça. Moi-même, j'y serai pas, je serai à Contrexéville, je vous dirai pourquoi. C'est pas la même zone. Mais enfin, quand même. Alors, je continue, parce que, attends, faire que de tout dire. Poème, donc j'ai dit, l'étoffe des mots, à 14h30, je l'ai dit, accordéon, ben c'est ça. Poema, il y a 15h, poema. Ah oui, 15h. Non, c'est encore autre chose. 15h, samedi 16 juin, Corniment, bibliothèque, si plus repli, à la salle des fêtes de Corniment. Voilà, plus bon, normalement, je viens pas. Dans cette marche poétique et musicale, dans la vallée de la Moselotte, la poétesse belge Laurence Veil viendra de Bruxelles, même de Bruxelles, pour semer ses mots avec délicatesse. Au son, Camille Perrin, contrebassiste de tout terrain, se perdra peut-être en chemin. Des mots de notes, un paysage enchanteur, un écho intérieur. Ah, oh, ça vaut le coup, ça. Alors, oui, à 15, hein, il faut aller s'inscrire au 03-29-27-29-04. Vous avez le temps de noter. 03-29-27-29-04. Place limitée, forcément. Durée 2h15. Waouh, que ça a l'air bien, ça. Je continue la lecture. Tout ce qu'on manque, ça, on le lit. Caisse départ. Toujours arrivant à Grange, parce que la commune va jusqu'à Grange, hein. Page 10, Grange, Olmouze, page 10. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Casse Départ? Ah, mais c'est le plateau livre, bien sûr, qui va jouer demain soir à 20h, qui a déjà joué plusieurs fois ailleurs, et qui va jouer Casse Départ. Deux personnes diamétralement opposées dans leur mode de vie vont devoir s'unir pour participer à un jeu coopératif. Un voyage vers la sobriété et le développement durable est amorcé entre ces deux destins entrecroisés. Entre surconsommation et sobriété, des gestes simples retrouvés pour préserver nos ressources naturelles, lumière, eau, terre, feu, air. Ah, tiens, le plateau ivre, ça c'est bien, hein, ce qu'ils font là. Ouais, ils sont des vanniers, ils sont pas loin, mais là, ils s'exportent au bout de la com-com. Comme on s'est exporté, toujours, attendons, ils étaient contents, attendons de nous voir. Parce que, bon, c'est spécial, c'est particulier. Blanche-Mère merveilleux, les cascades merveilleuses aussi. Si vous les connaissez pas, c'est vraiment remarquable. Et, alors, tant que j'y suis, art vivant, c'est à Vanier. Ouais, on verra dimanche après. Donc, toujours au 16 juin. Demain, l'arbre généalogique à la Bresse. Page 22, j'y cours, j'y rêve, j'y vais. Page 22. Voilà, non, c'est pas là. Alors, la Bresse, la cadavre esquis et cuisson racou. Voilà, cela vous tente à l'aspect de Corniment. Ah mais non, c'est à Corniment encore, pourquoi c'est marqué la Bresse? Cela vous tente de créer, c'est à 20h, école du centre. Cela vous tente de créer une œuvre collective? Durant 2 heures, chaque participant fabriquera un élément de fresque en bas-relief, à sa façon, sur le principe du cadavre esquis. Ah, voilà. La grande cuisson, selon une technique japonaise, le raku, se fera lors d'une soirée commune. Voilà, justement, voilà. Là, votre participant est limité, réservé aux autres 2007-2004. Ah, bah oui, monsieur, c'est la com-com. Voilà, il faut réserver à la com-com, voilà. Et donc, ça, c'est demain. Cadre esquis. Les expositions, bah, il y en a tout le temps, jusqu'à la fin, il y a le tissage dans tous ses états à Saussure. Oh, dans ce qu'il y a là, les sommes, c'est inouï, tout ce qu'on rate. Le tissage dans tous ses états à la maison familiale rurale, MFR. Tout le temps, quoi. Jusqu'à vendredi, 22 juin même, alors. Voilà, ça dure après. L'histoire du textile, et si c'était cette thématique qui pouvait faire le lien entre les générations habitant sur le territoire. C'est une question que s'est posée à la classe de 4e de la MFR de Saussure, Somozolot. Voilà, donc un travail à voir encore, intéressant. Marchons sur un chine, sentier textile, la Bresse. Oh, voilà, formidable ça. Alors, sentier textile, au musée. Mais pourquoi ils disent que c'est la Bresse et pas la Bresse? Ah si, c'est la Bresse. C'est pas le musée textile de 23, mais c'est la Bresse. Samedi 16 juin, la Bresse. Balade commentée le long du sentier textile. Fin 15h30. La culture locale, c'est comme la forme, ça s'entretient. Alors en route pour une balade culturelle au long de cette industrie du tissage qui a façonné nos vallées dès la fin du 18e siècle. D'un bout à l'autre, au fil du fil de cette histoire. Ah, disons... L'idée du... C'était... à partir du musée textile, mais c'est à la Bresse. Voilà. Maintenant, je viens à dimanche, puisque c'est bientôt dimanche. Alors, dimanche 17 juin, dans les arts vivants, folklore de la Vosges à Vanier. page 17. Alors, je vous dis les pages, comme ça je suis sûr de ne pas me perdre. Puis vous aussi. Par les Bequillons, bah, on les connaît bien les Bequillons. À 17h, au camping du Mété, dansons avec nos amis les lutins, les faunes et les elfes. Et pourquoi pas le Dahu, au rythme de l'accordéon, de la flûte et des psaltérions, vivons la danse des Cerseilles, requête à neige. Ouais. La chanson de la pauvre Dot, sans oublier notre Joson, qui tournera en dérision les dernières nouvelles qu'il avait entendues au marché et à la sortie de la messe. Les vrais secrets de la vie de nos montagnes, par les Bequillons, c'est-à-dire les bûcherons. Les bûcherons en patois. Ah, on les connaît bien, il y a longtemps qu'ils vivent, qu'ils font des choses. Alors, atelier culturel. Oh là là, il y en a un paquet aussi. Le Valtin. Ah ben c'est tout le Valtin, donc ça sera pas difficile. C'est tout le Valtin. Le Valtin, encore un lieu. Tiens, on en parlait hier soir avec Simon Delétang, qui a fait l'Anse, qui a fait un voyage à travers la montagne, et qui a fait une soirée au Valtin. Il était content de toutes les étapes. Celle du Valtin était aussi... Pour la petitesse de la commune, si je peux m'exprimer, était très intéressante. Alors, on disait, le Valtin, au fil de la terre, végétaux, céramique et terre crue, les batteurs du jeu de cartes. Atelier tout au long de la journée, de 10h à 16h, dimanche 17, place limitée pour tous les clients, inscription aux ordres. Alors, comme quoi, vous demandez, regardez, tant comme à Gérard May, vous téléphonez. Maintenant, est-ce qu'ils seront là demain? Peut-être. Enfin, dimanche. Mais non, pas toujours. Enfin, vous pouvez toujours téléphoner. Ça leur fera plaisir. Ils vous laisseraient un message. Échange de point de vue, échange de sensibilité, échange de technique. Voilà de quoi tisser quelques liens tout au long de cette journée du dimanche 17 juin. Atelier mandala et cueillette sauvage avec Mireille et Sylvie. Balade commentée, création artistique à partir de végétaux. 10h à 12h, tout public. Et l'après-midi... Toute la journée, même tout le temps, 10h, 11h, 11h, 12h, 14h, tout le temps. Atelier et terre crue, atelier céramique et terre crue avec Virginie et Fabienne. Création de petits objets féeriques. En plus, la photo est jolie, elles ont l'air bien, cette Virginie, cette Fabienne, cette Mireille, cette Sylvie. Au fil de la terre, voilà que ça s'appelle, au Valtin. Oui, donc, et qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, toujours au Valtin, décidément, il n'y a plus que le Valtin, dimanche, surtout le Valtin, Festival Land Art du Valtin. Alors, ça c'est... Je finirai donc le programme, page 33. Festival Land Art du Valtin, toujours par les batteurs de cartes, batteurs du jeu de cartes, les batteurs du jeu de cartes. Place limitée, toujours réception au Mouna, hein. Et départ, maison Golette, puis balisage, sentier artistique. Oui, c'est ça, c'est une randonnée artistique. Ici, ni poker, ni bridge, mais une promenade avec comme point d'orgue le jeu de cartes du Valtin, qui tire son nom de la forme des anciennes parcelles cultivées. Ce sentier est habité à la fois par l'histoire des Valtinois, les forces de la forêt et la puissance artistique du Land Art. Voilà. Ah bah, écoutez, une fameuse fête des arts mélangés qui durait en fait depuis longtemps, enfin depuis au moins 2007, moi j'ai connu ça, mais qui a pris extension là dans la nouvelle Comcom de 22 communes qui va donc de la Bresse, Cornimont à l'est, 23 encore plus à l'est, jusqu'à Grange, à l'ouest. Voilà. Ouf. On parle pas autant normalement quand on fait de la radio. On m'a dit il faut un petit peu mettre de la musique. Ça fait 26 minutes, 20 à quelques minutes. Non, 20 seulement. Sans musique, ça se fait. À France Culture, par exemple. Ou ici. Mais là, maintenant, je vais donc. Je vais vous passer un peu de musique. Quelle musique? Ah ben, vous allez redécouvrir. Je l'ai passé l'autre jour en live, comme on dit. Et là, c'est son disque, parce que on reverra ça une fois. C'est le fameux, inoubliable, magique Yann Vanek. Alors, je reparlerai un peu après, mais on va écouter Yann Vanek. Thank you. C'est le CD de Jan Vanek qui donc là j'ai dit Larsen hein. Non c'est pas pareil donc le CD de Jan Vanek alors qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Très tôt nous avions décelé le talent prodigieux de Jan Vanek, nous l'avons évité et il fut chaque fois enthousiasmant. Alors voilà, un virtuose de l'île de Pâques au Japon, passant par l'Inde, la Chine, Tahiti, les îles Marquises, les Antilles, les Amériques, la Scandinavie, l'Europe, l'Égypte, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie et Vesoul. En fait, il est de plancher les mines, notre ami Jan Vanek, et d'ailleurs, il est, la fois où on l'a rencontré avec chez Francis Cuny, où Étienne Géin avait organisé un concert, Étienne et Brigitte Fleck, ils avaient organisé un concert, et c'était remarquable, un concert parmi un dialogue, en quelque sorte, avec les magnifiques œuvres de Francis Cuny. Donc, à Trougemont, il nous a dit que Yann, fils de mineur, sa mère est dans, son père est de Haute-Saône, et sa mère est Vanek, sans doute, tchèque d'origine, eh bien Jan a la passion des mines et il a la passion aussi de la résonance des mines qu'il arrive à accorder dont il arrive à déceler la tonalité. Celle-ci est une mine en do majeur, d'autres en do mineur, forcément mineur, hein. Mais en do ceci en ré. Alors voilà. Il va faire peut-être un vaste instrument des mines. Qui sait? Qui sait? En tout cas, voilà. Ça, c'est Jan Vanek. Là, le disque Vama, c'est une fresque musicale épique et romantique née d'un clin d'œil au fameux Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin et à certaines musiques progressives et ouvertes des années 70. Ouais, on entendait ça effectivement au festival pop. Nancy. Il y a là un petit écho à la grande épopée de la mythologie hindoue, le Mahabharata, Plus présentement, c'est le souvenir d'un merveilleux voyage en Inde pendant l'année 2009 avec l'apprentissage et le partage des musiques sacrées du sud-ouest Kerala et cependant de magnifiques concerts aux côtés de grands musiciens et rythmiciens indiens. Enfin, Maha en sanskrit est un préfixe qui exprime ce qui est grand. Voilà. Aussi à Saint-Étienne-les-Romillons, on a Mahachan, mais certains ont dit, ah, c'est Mahachan. Bon, c'est peut-être pas ça, mais enfin, pourquoi pas, hein? Donc, encore un coup de Yann Vanek, parce que je vais vous mettre un disque après, autre, il faut que je l'installe. Donc voilà, tiens, on s'en lasse pas de Yann Vanek. La deuxième, c'est, où vais-je vous le dire? Bon, il a fait un concert, je vous l'ai fait écouter entier l'autre jour, il y a 15 jours. C'est écrit en anglais. Ah, mais c'est voulu, ça. Ah, mais il y a la traduction. Mais oui, heureusement. Ah, mais oui, suivant le côté, c'est écrit en anglais, l'autre côté en français. Mais oui, voilà. Thank you. donc maintenant je vais vous faire écouter, c'est une séquence que je faisais souvent. Là je suis un peu dans tous les sens ce soir, un peu dans, puisque j'ai pas préparé de reportage, c'est surtout du montage à faire, je vous le disais, sur Eldorado, sur l'atelier d'écriture de la semaine dernière, qui a fortement marqué à Saulxures ce festival des arts mélangés. Donc là, je vais vous faire écouter un extrait des Gens de Lorraine. Je le faisais souvent quand je faisais des émissions jusqu'il y a deux ans. Pendant de longues années, je faisais des émissions avec l'ami Michel Grassler, qui avait beaucoup d'érudition et qui parlait un peu comme ça, mais il en savait beaucoup, Michel Grassler. Bon, il était savant, il n'était pas forcément toujours d'un temps qui vous réveillait. Des fois, moi, je m'endormais en faisant la technique. Mais c'était intéressant quand même, surtout moi, quand je le réécoutais, elle rediffuse. Ah, il rapportait des trucs. Je me disais, tiens, j'aurais mieux fait l'écouter au lieu de dormir pendant que je faisais la technique. Mais c'était bien. Alors, et moi, je faisais une petite rubrique archéologico, traditionnels, tout ça. Et je passais souvent, régulièrement, les Gens de Lorraine, avec la saison. Alors là, je vais remonter un peu à mai, parce qu'il y a un certain temps que je l'ai pas fait, jusqu'à juin, jusqu'à maintenant. On parlait des cercelles tout à l'heure, avec les Bequillons, qui sont demain soir je me rappelle même plus, moi. Mais je vous le redirai. Ils sont demain soir au Valtin. Non, c'est pas au Valtin. Enfin, en tout cas, la danse des cercelles, qui a été amenée par les ministres de Gérardmer, qui se faisait avec des raquettes de neige. On voit tout ça dans le folklore des Hautes-Vosges. Et donc, on va écouter ça. Alors, Jean de Lorraine, c'est un disque de 1979. C'est un vinyle. Alors, j'espère que le vinyle qui nous fait des petits bruits en ce moment, va pas nous les faire. Espérons. On y va. Quand avril commence trop doux, il finit le pire de tous. La pluie de mai fait pousser les enfants. Nous avons laissé passer avril et mai entrer. Je ne puis tenir mon cœur de joie à aller. Et tant d'aller est devenu, et tant d'aller ainsi chanter. Au trimarzo, c'est le mai ou mi-mai, c'est le joli mois de mai. En revenant de par ces champs, nous avons vu les blés si grands et les épis en abondant, les aubépines fleurissant. Au trimarzo, c'est le mai ou mi-mai, c'est le joli mois de mai. Jeune fille à marier, faites-nous la charité, et nous prierons Dieu de grand cœur qu'il vous envoie un serviteur. Au trimarzo, c'est le mai, au mi-mai, c'est le joli mois de mai. Catherine, ô belle fille, lorsque vous couchez votre enfant, mettez-lui les pieds devant, la tête à côté de Saint-Jean. Au trimarzo, c'est le mai, au mi-mai, c'est le joli mois de mai. Ah madame, vous le savez, nous ne venons qu'une fois l'année. Prenez votre bourse et regardez ce que vous avez à nous donner. Au trimarzo, c'est le mai, au mi-mai, c'est le joli mois de mai. En vous remerciant, madame, de vos bienfaits et de vos dons, ce n'est pas pour nous que nous prions, c'est pour la Vierge et son enfant. Au trimarzo, c'est le mai ou mi-mai, c'est le joli mois de mai. Madame Collignon nous avait appris un couplet pour les récalcitrants qui ne voulaient rien donner à Jolny et en patois. Parce que veulent les reines donner, je souhaitant aux autant d'offants qui n'épirotent à vos les champs, ni pain, ni chat pour les mûrir, ni chemin, ni tôle pour les couvrir. Au trimarzo, c'est le mai, au mi-mai, c'est le joli mois de mai. Alors en français, puisque vous ne voulez rien nous donner, nous vous souhaitons autant d'enfants qu'il y a de pierres dans vos champs, ni pain, ni viande pour les nourrir, ni chemise ni toile pour les couvrir. Boule de coton, que fais-tu là? Bouchachi, bouchacha. Boule de coton, que fais-tu là? Ce ne sera pas toi le prix. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. J'avais des fleurs pour couronner ta tête. Vent du nord en juin annonce une bonne moisson. La Saint-Jean dérange et remet le temps. Voici la Saint-Jean et voici la Saint-Pierre, voici la Saint-Jean. Thank you. Eh ben, voilà, c'était donc ceci, tandis que j'entends dehors les trompettes, non pas de la renommée, mais portugaises. Je suppose que c'est une allusion à un petit jeu de balle là, qui se passe quelque part. Hein? Bon, voilà. Donc, toujours continuons notre périple à travers les choses et les souvenirs et diverses émissions tout à l'heure, et l'actuel et le passé. Tout à l'heure, je reviendrai au slam, qui est notre action actuelle, et puis après, je reviendrai à notre concours galère d'il y a 4 ans. Ouais, bientôt, ouais, déjà. Ouais, c'est 2013. Ouais, avec l'ami Raymond. Eh bien, donc, une musique hein, que je vous ferai entendre. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, l'ami Michel Grassler, je lui souhaite bien le rétablissement. Il est tombé récemment, il s'était cassé quelque chose dans le coccyx, là. Faudra que j'aille le revoir. Si vous pensez à lui, peut-être qu'il est à l'hôpital, allez lui dire bonjour. Hein, Michel Grassler, il faisait quand même nos soirées. Et il travaillait, il faisait un sacré dossier. Plutôt l'histoire contemporaine, lui. À partir de... À partir de l'humanité, notamment. C'était sa lecture favorite. Et c'est parfois bien nourri, l'humanité. Enfin, l'humanité en général, mais par l'art pour l'humanité, comme on dit à Buisson, à terre du peuple. Mais le journal, bah, il a quelque chose à faire, le journal, à dire. Voilà. Moi, je me rabonnais. J'avoue que je ne lis pas trop, parce que c'est pareil, plus ou moins rigolo que le canard enchaîné. J'ai arrêté Charlie Hebdo depuis que... Avant qu'il se fasse assassiner, les pauvres. Mais c'était parce que ils avaient attaqué le pauvre Val. Pas Val, non, Val, c'est au contraire un traître qui a laissé tomber son copain Fon, mort il y a peu d'ailleurs. Tiens, Fon, Patrick Fon. Mais il a laissé tomber Val, non, parlons pas de Val. Ciné. Charlie Hebdo l'avait un peu... c'est Val, notamment. Qui... Voilà, bref. Val et Val, c'est un peu pareil, d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Oui, je lis plus que le canard enchaîné, parce qu'il y a des nouvelles, puis c'est pas mal à tourner. J'ai arrêté Charlie Hebdo, ciné mensuel, ma foi, depuis que ciné est plus là, c'est plus tout à fait ça, mais bon. Mais ce passant, je relirai, hein. Puis on n'a pas toujours le temps... On a tellement à faire, y compris de faire des émissions qui se tiennent à peu près. Voilà, tiens, musique occitane du troisième millénaire, ça j'aime bien, vous allez voir. Et l'hiver se caufi muraille. L'aste s'éveillera l'abandon. C'est Marie de mes colombines qui s'est pincinée un cardon. Et c'est Miraille la roubine. Et c'est Miraille la roubine. Da quel libre me fait, qu'un agent du quai perd ou l'Ukraine, en tout jour pour ta vie d'enfant, crainte de pénètre des sucres, crainte de pénètre des sucres, anastine navire isolé, et des guillons et des quais vous battrez, vous diez pas vieux reste insoulé. Musique et mazakala, la vie. Mando tombe une cartella, mando tombe une cartella. En fait, je me suis trompé. C'était le disque de dessous, mais c'est beau aussi. C'est le même, c'est occitan aussi, mais c'est plutôt provençal, poème provençaux, qui, qu'on m'a fait connaître, m'a offert ça récemment. Je remercie, d'ailleurs c'est Maggie qui anime les ateliers d'écriture, qui s'occupe aussi de la utopie, il faut en parler, de la utopie aussi, maintenant que le Gailleron n'existe plus, hélas. Une belle soirée d'ailleurs au Gailleron récemment, mais le 10 mai je crois, oui j'y étais. Pareil, il y a un montage à faire, c'était mené de manière fabuleuse par l'ami Alain internaute, comme on dit, donc Alain Pierret, pour tout dire, un homme d'une finesse absolue, qui cache sous son écorce rude un cœur d'argent, d'or même. Alors là, c'était les îles d'or, et c'est des poèmes de Mistral. Après, je parlerai de l'Occitanie. Poèmes de Mistral, Frédéric Mistral, que j'aime beaucoup, qui ont été mis en musique par le groupe Tarkandine, c'est des filles, puis un gars, quoi. Deux, trois gars. Alors, c'est la scène de Moustier dont on parlait. Le village de Moustier dans les Alpes de Provence est dominé par des pics dont les sommets sont reliés par une chaîne de fer longue de 227 mètres et suspendue à 250 mètres de haut, au milieu de laquelle brille une étoile. Conformément à la tradition, Mistral attribue au vœu d'un seigneur provençal Blacas, retenu en Orient par les Sarrasins. Alors, oui, il y a même une légende un peu dans le Bourdon de Herrlichheim, une pièce, une légende alsacienne que Maurice Potter a fait jouer en pièce. Alors c'est, il y a la même histoire d'ailleurs dans le Sire de Richicourt, je crois, qui est transporté dans les airs, c'est un seigneur prisonnier qui est délivré. Donc à Moustier, au quartier vieux, où perché sur est une église, depuis dans l'azur du ciel, là où passent les palombes, dominant les précipices, de la gorge tout entière, une chaîne se voit. L'église ouvre à mon despiègue, où ne te passons les palombes, dominant toute la colombe, que des strombo, où nos cadènes s'éveillent. Ouais, je sais un peu provençal, quoi. Alors, le Seigneur, c'est intéressant pour les relations, quand même. Prisonnier des Sarrasins, prisonnier des Sarrasins, Ndjembra Kumun Karako, Mkalo Kremezin, Kelouban Soulao, Eidrako, prisonnier des Sarrasins, accoutré comme un bohème avec un fez cramoisi, que le soleil blanc essore. Et le calife au Kera ou Mprous, Permaum, Wumpo et Futifère, et les replays que j'ai les rousses, Tameina, Aling, Vaikere. Alors, le calife qui était un peu, je vous raconte pas tout, c'est sinon, voilà. Lui réplique, lui dit, magnanime, par Mahomet, je brise tes fers, va chercher là-bas tes hommes, et si tu n'es pas un sien, moi je t'attends, nous jouerons à tête ou croix. Ouais, c'est un défi, et puis en même temps, ouais, ça ressemble quand même un peu à ces légendes de seigneurs, prisonniers, et puis qui sont, qui sont délivrés, quoi. C'est intéressant, car environné de femmes, le calife de Diamamiette est venu se promener sur le sable de son parc entre les arbres de dattes frais asile qui est tout semé de fleurs. Et le musulman dit au Seigneur, tiens, Blacas, regarde donc s'il est dans le paradis. Il parlait provençal, le calife. Hein. Que vont promettant les tes prêtres, hein, un vol d'anges séducteurs et riant comme ce qui grouille là. Oui, il veut dire, Il dit que ces femmes, lui, sont bien plus paradis que les anges chrétiens, là. Voilà ce qu'il dit. Voilà un échange culturel intéressant. Les Îles d'Or, Frédéric Mistral, ça vaut la peine, on en reparlera, je vous en repasserai. Et mais ce que j'avais prévu, mais c'était l'ordre était inversé, mais en fait pas vraiment, c'est une musique que j'aime bien, musique occitane du troisième millénaire. Voilà, à l'aube du troisième millénaire, mais non, c'est plus l'aube, c'est carrément... nous était su. Alors on reprend. Comme si de rien n'était. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà. C'était pendant la musique occitane du troisième millénaire qu'on va reprendre. On dirait une petite panne d'électricité, voilà. Et on va reprendre. Musique occitane du troisième millénaire, si elle veut bien. Estivo l'opere flestello. Los menet al po l'autre biullo, los flauzello, l'autre sullo. Los meno gigo l'autre roto, los dislomos, me l'autre notto. Los estivo l'autre flestello. Los muso l'autre caramello, los estivo l'autre plestello, los muso l'autre caramello. Los estivo, l'autre prestello. s'agit là de Flamenca. Flamenca, qui est d'un auteur inconnu. Et c'est un extrait du roman de Flamenca du XIIIe siècle, 1240-1250. Chef-d'œuvre de la littérature occitane du XIIIe, le roman de Flamenca résume toute la civilisation occitane médiévale. Texte français, l'un joue de la harpe, l'autre de la viole, l'un du flageolet, l'autre du sifflet, l'un de la gigue et l'autre de la rote, l'un dit les paroles, l'autre les accompagne, l'un joue de la cornemuse, l'autre du galoubet, l'un de la musette, l'autre du chalumeau. Et maintenant, si je ne me perds pas dans tous mes disques, j'ai envie de vous passer un petit peu de Corse, un disque que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, parce qu'avec l'ami François Fauté, ça y est, j'ai trouvé, là-bas. Il était là-bas, la pochette. Avec l'ami François Fauté, et nous aimons beaucoup le Corse. Alors, justement, j'avais trouvé, moi, un disque qui, hors commerce, en fait, c'était tiré d'un volume de musique du monde, Cité de la musique, Actes Sud. Il y avait un disque qui accompagnait, il y a un bouquin. Je l'avais acheté à Cargèse, célèbre Cargèse. Et donc là, justement, on cherchait récemment une introduction à un chant de Tino Rossi, repris par Philippe Léotard. Disparu et cher Philippe Léotard. Et au début, ça commence par un truc vertigineux de la filette. Mais alors, on cherchait ce que ça pouvait être. Selon moi, c'était Dassant Andrea Di Bosu. Là, je l'ai par Tavagna, qui est un autre groupe. On va voir si c'est ça. J'en suis pas sûr. C'est un dilemme entre François Fauté et moi, à savoir quel est ce prélude de comment ça s'appelle, Romance Corse, ça s'appelle. Mais c'est un truc de Tino Rossi, repris par Philippe Léotard, que François m'a fait connaître. Qu'on va peut-être chanter un séjour au printemps de la chanson, ou à l'été de la chanson. Et par exemple, au ballon, le 7 juillet, on invite tout le monde, je sais qu'il y a déjà Christophe Toussaint, en principe. Michel Gélini, c'est sûr. Brigitte dite Sophie, quoi, qui a une voix d'or aussi. Puis on a souvent François Fauté, l'année dernière on avait Jean-Claude Vourgy, donc le printemps de la chanson se déplace à l'été du ballon. Voilà, mais là, écoutons. à moins que cela ne soit le numéro, je pense en même temps que je dis, 9, Terzette, il dit Pugliano, ah, mais je sais pas, là je dis ça au hasard, c'est des noms, mais je me trompe peut-être, on va voir. C'est encore pas tout à fait le même air que Filette avait mis en prélude, qu'on n'arrive pas à trouver en prélude de Philippe Lyotard. Mais bon, ça c'était Terzette, il dit Piovano par Cantao Popolo Corso. Et le reste c'était Da Sant'Andrea di Bozzu par Tavagna. Bon, eh bien, changeons de musique, de lieu, de pour une rubrique, enfin une émission nouvelle qui vient sur Gamozo, dont je vais vous parler, et qui passe un peu avant nous, le vendredi soir à 19h, et puis aussi le lundi à 11h, et puis le mercredi à 8h, 20h. Alors, toujours avant nous, à 20h, justement, avant notre rediffusion. Voilà. Eh ben voilà, je vais vous parler de, vous allez voir. À chaque époque, on se cherche un peu et on se demande si on se connaît. On est nous-mêmes, on fait ce qu'on peut, on changera pas, c'est ce qu'on se promet. Entre bitume et tapis rouge et slalomé de part en part, je côtoie la dèche et l'opulence, j'apprends à faire le grand écart. Ma vie propose tellement de thèmes, parfois je fonce, parfois je freine. Je vois les deux côtés du système, pourtant je me sens pas schizophrène. J'essaie de pas trop faire d'erreurs et dans mes choix je me sens libre. Je crois en ce truc du fond du cœur, tout est une question d'équilibre. C'est pour ce besoin d'équilibre que j'ai dû prendre un peu de risque. Après un mauvais coup du sort, ma vie partait pour être triste. Écarté des terrains de sport comme un sursaut, j'ai compensé. J'avais besoin d'un autre support, dans l'écriture je me suis lancé. C'est pour ce besoin d'équilibre qu'il me fallait de l'aventure. Toute mon histoire se refermait, fallait trouver une ouverture. J'ai touché l'accélérateur pour retrouver des sensations. Car comme je marche à deux à l'heure, il me fallait une compensation. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. J'avance loin des certitudes. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. Les pieds sur terre. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. L'air dans ma bulle. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude. Je suis un funambule. J'ai croisé le showbiz, j'ai vu le royaume des égaux. Qui pourra faire le plus d'entrées, qui provoquera le plus d'écho. Je ne cracherai pas dans la soupe, là où je suis, je me sens bien. Mais pour garder mon équilibre, je n'oublierai pas d'où je viens. C'est pour ce besoin d'équilibre que je garde un peu de hors-piste. Car j'aime aussi la vie d'humain quand s'interrompt la vie d'artiste. Entre la lumière de la lune et celle des spots, maintenant je sais que j'ai ma place à l'Olympia, mais aussi dans les MJC. Je prends du recul, je prends des gants quand je vois le strass et les paillettes. Les gens qui se sentent importants, moi ils me stressent et sont pas nets. Je ne cracherai pas dans la soupe, j'ai rencontré des gens très bien. Et je me reconnaîtrai toujours plus dans ceux qui viennent là d'où je viens. C'est pour ce besoin d'équilibre qu'on a joué dans des cathédrales. Mais juste après, yeux dans les yeux, avec un public carcéral. C'est pour ce besoin d'équilibre que tous mes sentiments se touchent. Quand je vois le public se lever, je pense à mon fils qui se couche. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. J'avance loin des certitudes. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. Les pieds sur terre. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. L'air dans ma bulle, je suis un funambule. J'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. La nuit c'est grâce au jour et j'aime le jour grâce à la nuit. J'aime être tout seul grâce à la foule et grâce au silence j'aime le bruit. Besoin de tout ça pour que ça vibre, je veux me sentir fort et avoir peur. Tout est une question d'équilibre, je crois en ce truc du fond du cœur. Si dans une vie ça part en vrille, c'est que l'équilibre a vrillé. Pour le garder c'est capital de pas dormir sur ses lauriers. Alors je reste vigilant quitte à recréer du désordre. Entre le glace et le brûlant j'aime la douceur, j'aime que ça morde. L'équilibre est dans la nature, j'invente rien, ça va sans dire. Il faut de la pluie et du soleil pour que la fleur puisse s'épanouir. Il faut de l'exception dans la règle pour que la vie ait plus de goût. Il faut de la force et de l'adresse pour que l'enfant se mette debout. Je mets de la lumière pour voir l'avenir, mais parfois j'aime autant l'éteindre. Dans la vie on se fout de l'objectif, ce qui compte c'est la route pour l'atteindre. Alors j'avance sur un fil parmi les chemins qui s'éparpillent. En équilibre malhabile, je suis un funambule à béquilles. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. J'avance loin des certitudes. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. Les pieds sur terre. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. L'air dans ma bulle, je suis un funambule. J'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. Oui, donc vous pouvez d'ailleurs entendre dans Grand Grand Malade, dans un autre texte, j'ai mis des mots, tous les jours de cette émission, qui passe plusieurs fois et qui passe en plus sur plusieurs radios, sur Radio des Ballons, dans la vallée de Autillot et puis ici, hein, à Remiremont, mais je sais pas si la Radio des Ballons de Remiremont fonctionne avec, et puis... diffuse cette émission, en tout cas c'est diffusé au Tio et Réseau dans FM de la Bresse. Et puis, normalement, les autres radios, le radio de la coordination, Cristal, à Épinal et Vittel bientôt, Cocktail, sans doute aussi, à Saint-Dié, enfin, l'émetteur de Saint-Dié, parce qu'il passe aussi à Gérardmer, je crois. Et puis, Bellevue, et puis RCN. Bon, bref, je crois que je n'oublie pas, la coordination des radios libres diffuse en principe cette émission, cette Action Slam. C'est pas un concours, mais ça fait suite un peu quand même au concours Galère qu'on avait lancé il y a quelques années, la radio. C'est avec l'appui de l'Union des écrivains vosgiens et de la langue de travers. Et c'est donc fait pour stimuler toutes les actions slam, toute l'écriture slam. Alors, pour être franc, on n'a pas un énorme développement à l'heure actuelle de slam, mais c'est encore le temps, puis on continuera de toute façon. Cette action qui est engagée depuis le mois de mai, en fait, avec cette émission qui est lancée, je crois que c'est la 2 ou 3e, je ne me rappelle plus, diffusion, j'ai entendu tout à l'heure, enfin il y aura encore au moins 2 émissions, et ça aboutira avec chaque fois 30 slams, ça aboutira avec 120-130 slams à un lien final. Alors il y aura une sélection, un prix du public, en principe, les gens des radios doivent téléphoner, dire leur appréciation. Il y aura peut-être des prix quand même, on verra si on fait un CD ou pas, mais on avait dit un lien pour des raisons d'économie, mais pour des raisons aussi que maintenant paraît-il que le CD, ça intéresse plus trop la jeunesse, mais bon, on va savoir. Donc en tout cas, voilà, c'est, il y aura quelque chose, et je sais que j'étais à Bruyères pour les enregistrer avant-hier, ou bien à Contrex, au collège, ça leur a beaucoup plu au quatrième, et puis là, en Bruyères, c'est les premières. C'est très intéressant, c'est très porteur. Alors là, si ça se trouve, j'ai un CD avec des slams, mais j'ai l'impression qu'il va pas marcher. Donc, à moins que, j'ai l'impression qu'il le prend pas. C'est un CD repiqué, vous savez ce que c'est. Donc, je voulais vous passer quelques slams d'élèves, enregistrés, mais je vous dirai pas où. Parce que c'est encore dans cette espèce d'action sans concours, si on veut, voilà. C'est pas un concours, mais c'est une action. Ceci étant, je crois que vous feriez mieux d'écouter l'émission que de m'écouter à l'instant sur ce point-là, parce que le disque que je peux dire son nom, Florence, une prof de français qui a fait réaliser ça avec ses élèves, j'arrive pas à le passer sur cette antenne, si bien que je vais être obligé de passer autre chose, d'improviser, comme on dit, quoique l'émission l'est largement aujourd'hui. Mais là, j'avais quand même prévu ça. J'avais prévu ça, et c'est un peu bête de pas pouvoir le faire. Et non, il veut pas lire. C'est ce que c'est, les CD qu'on se fait soi-même. Hein. Voilà, ben ça arrive que ça prend pas. Et là, je savais pas, parce que à la maison, ça passait. Mais la maison, c'est une chose. Et puis la radio, c'est autre chose. Alors, en plus, à quoi il veut pas sortir. S'il veut ressortir, il veut opener. Et on va encore revoir. Ben sinon, tant pis, ça fait rien. Vous avez qu'à écouter l'émission et même participer, parce que il faudrait un peu écrire aussi. Hein. Ça, moi, ce que je constate, c'est que ça développe un désir d'écrire très important. Alors, je prenais effectivement le Grand Corps Malade comme base, hein, parce que c'est vraiment un maître en la matière. Mais aussi, je vous en passerai un pour tout à l'heure. J'allais dire Gad Elmaleh, non, Abd El Malik, voilà, pas Gad Elmaleh, c'est pas le même. Au théâtre, Grand Corps Malade. Acte 1, scène 1, unité de temps, unité de lieu. La pièce durera toute ta vie, l'histoire se déroule sous tes yeux. Le rideau vient de s'ouvrir, toi tu soulèves les paupières. Tes parents gèrent la mise en scène, ta pièce démarre et ils sont fiers. Ils te souhaitent pas une tragédie, ils préfèrent que l'histoire soit drôle. C'est le théâtre de ta vie, c'est toi qui tiens le premier rôle. Tu regardes autour de toi les projecteurs, les premiers rangs, les gens qui te donnent la réplique et puis les autres, les figurants. Tes parents ont écrit le début, mais tu vas vite réaliser que pour la suite c'est entendu, tu vas devoir improviser. Et puis trouver les bons dialogues, dans ce premier acte tu es bavard. Ce ne sera pas une pièce d'auteur, mais du théâtre de boulevard. Alors ton histoire défile sous la rumeur des spectateurs. Ton personnage perd l'innocence, t'essaies de rester à la hauteur. Face aux premières piques de l'intrigue, face aux premiers mauvais accords, derrière les apparences bien lisses, tu découvres l'enfer du décor. Au théâtre on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin les gens se lèvent pour ta dernière ovation. Alors de cours à jardin, maintenant tu fais les 100 pas. Tu côtoies les bons comédiens et puis à ceux que tu sens pas. On flirte avec le vaudeville, avec toutes ces portes qui claquent. Tu vois moins tes parents, l'ingratitude du deuxième acte. Tu l'as compris sur les planches, c'est la cour de création. Dans toutes les situations, tu dois faire preuve d'adaptation. Dans un monde où le prévisible perd souvent le contrôle, le bon comédien est celui qui sait jouer tous les rôles. Et c'est là qu'intervient celle qui donne du sens à ta pièce. Sous les feux de la rampe, ta prétendante met tes attentes en liesse. Tout prend de l'importance, c'est ce que ton monologue indique. Fini le théâtre de boulevard, tu tiens ta tragédie antique. Si tout va bien, l'amour donnera de nouveaux petits acteurs qui à leur tour joueront leur pièce devant la foule des spectateurs. Tu mettras en scène leur début, t'as compris les règles du pacte, avant de retrouver l'énergie de t'atteler à ton troisième acte. Du public, on voit tes doutes, on voit tes gouttes, on voit la sueur, tes déboires, tes trous de mémoire, tes espoirs et tes lueurs. Le second rôle apprécie, c'est respectable et vibrant. Les spectateurs vibrent aussi, c'est du spectacle vivant. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin, les gens se lèvent pour ta dernière ovation. À quelques exceptions près, toutes les pièces se ressemblent un peu. Ça tourne autour de sentiments, tu sens, tu mens, tu vis, tu veux. Y'a que le décor et les costumes qui sont amenés à changer. Ça dépend des moyens de la prod, on n'a pas tous les mêmes budgets. Moi j'ai grandi au cœur d'un beau théâtre occidental, loin des troupes du tiers-monde et des acteurs qui ont la dalle. Et j'aime le théâtre de ces pays où la scène est à même le ciel, où les intrigues se resserrent souvent autour des valeurs essentielles. À quelques exceptions près, toutes les pièces se ressemblent un peu. Y'a les grandes scènes de comédie et les bouts de drame contagieux. Et puis y'a tous ces imprévus, ces fous rires, ces dérapages. Moi je n'aime ce théâtre que quand l'intrigue sort de la page. Sois patient, reste en coulisses quand résonnent les coups de tonnerre. Et quand la scène est compliquée, appuie-toi sur tes partenaires. Ils te seront indispensables pour atteindre tes objectifs. N'oublie jamais cet adjectif, théâtre est un art collectif. À toi d'observer dans l'ombre quand on t'attend dans la lumière. À toi de prendre le devant de la scène quand le scénario te prévoit derrière. Écorche un peu ce qui est écrit, la vie aura un autre parfum. Ta pièce aura une plus belle fin, écoute une dernière fois ce refrain. Au théâtre on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin les gens se lèvent pour ta dernière ovation. Voilà, alors faute de vous faire écouter ce que vous entendez d'ailleurs très bien dans les émissions du slam, slam avec SL AM. Alors c'est mis en forme par Michael, notamment Michael Neslen, Michael, par Lou, par Dominique Gravier, par Stéphane Elie et par moi. Donc pour l'instant, on a recueilli beaucoup de slam, à Contrexéville notamment, et Bruyères, où j'étais avant-hier, mais où j'étais mardi. Mais c'est un peu en dehors de la zone d'écoute. Enfin, dans la zone d'écoute, on en a un petit peu qui arrive, on aimerait bien en avoir plus. Mais bon, voilà. Tiens, j'ai juste un texte, mais il est pas complet parce que c'est une photocopie. Cyril Georges, par exemple, de Seconde, de Bruyère. Il m'est arrivé, je vous lis quelques extraits, ça donne une idée de ce que peut être le slam. C'est une poésie simple. Les trois R, comme on dit, rythme, rime et récit. Alors c'est souvent, on raconte quelque chose. Alors c'est pour ça que je trouve que c'est une forme de poésie, on l'a adoptée parce que c'était le thème de l'ardeur cette année, dans le printemps des poètes. Et finalement, c'est la forme la plus ardente et directe de poésie. Enfin, ça n'est une des formes ardentes, il y en a d'autres quand même. Mais c'est particulier et j'ai eu l'engouement pour les élèves, les jeunes, à se mettre à se raconter, à se délier, à produire des textes. Alors on continuera sûrement l'an prochain, c'est à Contrex, que ça vient à Bruyère déjà, puis et sûrement ailleurs. Et aussi, pas que dans les jeunes, je sais que dans les EHPAD, bon, ça m'a été demandé, Vergrange sur Vologne, à Fraise peut-être aussi, et puis en Ville-sur-Ilon, on avait aussi quelqu'un qui marchait avec. Bon, entre parenthèses, on est aussi sur l'édition bientôt, il serait temps du concours Insurrection Poétique de 2015-16, et où on a effectivement aussi des participations d'un peu partout, alors de tous âges. C'était vraiment un concours fait par, où la radio appuyait, mais c'était surtout fait par l'Union des écrivains vosgiens, avec l'appui d'autres associations, comme la Langue de Travers, justement, qui est toujours là. Et puis, également, ça me rappelle effectivement ce concours qu'on a fait, comme je vous en parlais, concours Galère, il y a quelques années. On y reviendra. Tiens, mais j'ai envie de vous donner juste quelques mots, comme ça, pris au hasard d'une photocopie. C'est même pas recopié, c'est un brouillon, mais voilà, ça donne une idée. De l'écriture à la fois simple et c'est pas banal non plus, je trouve. Il m'est arrivé une chose vaine qui a pourtant traversé mes veines, malgré tous mes efforts, c'est que j'ai eu tort d'espérer que ça imprimerait mon corps. Nous sommes-nous rencontrés à l'aurore ou comme dans les contes de fées, etc., etc. C'était pas malin d'y croire, elle m'a blessé sans espoir, m'a mis le cœur en laisse jusqu'à boire ma détresse. Voilà, la recherche de la rime, pas de la rime riche, mais de la rime de se faire sonner les mots. Voilà, finalement, moi, je trouve que c'est intéressant. Tu m'as enlevé ma sœur, tu m'as arraché le cœur. Le jour où tu étais dans mon quartier, je t'ai vu la poignarder, tu me l'as arraché, soi-disant, de ta religion, tu disais de la... Voilà, je ne comprends pas. Donc c'était une allusion à l'actualité, quand même. Pourquoi existe-t-il la drogue? Pourquoi va-t-on la violence? Alors c'est souvent, quand même, une expression directe du ressenti qu'on a ici, partout, dans tout ce qu'on vit. Et que ça s'exprime par des mots, je trouve que c'est bien. Moi, je sais que je leur passais aux jeunes, en quatrième en tout cas, Concours Malade, Abdel Malik et MC Solar aussi, tiens. Ah, tiens, puisque je ne vous passe pas les jeunes, je vous passe les anciens, si je peux dire, Abdel Malik. Qu'est-ce que c'est que... Tiens, mourir à 30 ans. À 30 ans, ça les a pas mal inspirés, ça. Un jour dans la rue, un jour à l'école, un jour dans l'étude, un jour dans le vol, un jour sur Sky, un jour dans les drames, un jour dans les larmes, un jour dans l'islam, un jour je veux mourir, un jour je veux vivre, un jour je suis un disque, un jour je suis un livre, un jour chez Ardisson, un jour chez ma maman, un jour je suis une star, un jour je suis néant, un jour dans le métro, un jour dans le bus, un jour chez Atmo, un jour dans la lune, un jour dans ma plume, un jour je suis en studio, un jour je parle plus, un jour noyé dans mes mots, un jour on me regarde pas, un jour on me parle de ma femme, Un jour c'est moi qui pousse, un jour c'est moi qui blâme. Un jour je suis dans les rêves, un jour je suis dans le réel. Un jour dans la ville, un jour dans le désert. Un jour je suis tous les hommes, un jour je suis Malcolm. Un jour je porte le monde, un jour je suis un gnome. Un jour près de la tombe, un jour je suis un môme. Un jour je suis plus drôle, un jour mémoire de mes morts. Un jour je suis immeuble, un jour je suis une cave. Un jour je suis peur, un jour je suis un brave. Un jour je suis père, un jour je suis mon fils. Un jour je pleure seul, un jour j'ai le vertige. Un jour j'ai le cœur sobre, un jour je l'entends sourire. Un jour je suis noir, un jour je suis blanc. Un jour arc-en-ciel, un jour je suis grisonnant. Un jour ils ont la haine, un jour mort de rire. Un jour je m'assume, un jour je me sublime. Un jour je suis marteau, un jour je suis enclume. Un jour je suis bateau, un jour je suis écume. Un jour je suis chez les bourges, un jour je suis chez les cailles. Un jour je suis tout rouge, un jour je perds mes écailles. Un jour ce 14 mars j'ai 30 ans. Un jour ce 14 mars j'ai 30 ans. Mais ce que je sais tous les jours, c'est que dans le jardin, même si les fleurs sont multiples, l'eau est une. Voilà donc les trois R, rime, récit et rythme. Oui, je trouve pas MC Solar, c'est ma faute, il est mal rangé. Donc, à la place, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ah, mais alors, ça va nous tenir un petit moment alors. Ah si, mais c'est plus que du slam. Allez, on y va. C'est vous allez voir. Vous connaissez. Et là, il y a un propos, un petit moment, effectivement. Écoute, dans le silence de la mer, il y a comme un balancement maudit qui vous met le cœur à l'heure, avec le sable qui se remonte un peu, comme les vieilles putes qui remontent leur peau, qui tirent la couverture, immobile. L'immobilité, ça dérange le siècle. C'est un peu le sourire de la vitesse et ça sourit pas l'air chez la vitesse en ces temps. Les amants de la mer s'en vont en Bretagne ou à Tahiti. C'est vraiment con les amants. Il n'y a plus rien. Camarade maudit, camarade misère. Misère, c'était le nom de ma chienne qui n'avait que trois pattes. L'autre, le destin la lui avait mise de côté pour les Olympiades de la bouffe et des culs semestriels qu'elle accrochait dans les buissons pour y aller de sa progéniture. Elle est partie, misère, dans des chaos, quelque part, dans la nuit des chiens. Camarade tranquille, camarade prospère, quand tu rentreras chez toi, pourquoi chez toi? Quand tu rentreras dans ta boîte, rue d'Alésia ou du Faubourg, si tu trouves quelqu'un dans ton lit, si tu y trouves quelqu'un qui dort, alors va-t'en dans le matin éclairé, seul, te marie pas. Si c'est ta femme qui est là, réveille-la de sa mort imagée, fous-lui une baffe, comme à une qui aurait une syncope ou une crise de nerfs. Tu pourras lui dire, dis, t'as pas honte de t'assumer comme ça dans ta liquide sénescence, dis, t'as pas honte, alors qu'il y a 90 000 espèces de fleurs, espèces de connes, et barre-toi, divorce-la, te marie pas, tu peux tout faire, t'empaqueter dans le désordre pour l'honneur, pour la conservation du titre. Le désordre, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je suis un nègre blanc qui mange du cirage parce qu'il se fait chier à être blanc, ce nègre. Il en a marre qu'on lui dise sale blanc. À Marseille, la sardine qui bouche le porc était bourrée d'héroïne. et les hommes grenouilles n'en sont parvenus. Libérez les sardines et il n'y aura plus de mareilleurs. Si tu savais ce que je sais, on te montrerait du doigt dans la rue. Alors il vaut mieux que tu ne saches rien, comme ça au moins tu es peinard, anonyme, citoyen. Tu as droit, citoyen, au minimum décent, à la publicité des enzymes et du charme, au trafic des dollars et aux trafiquants d'armes qui traînent les journaux dans la boue et le sang. Tu as droit à ce bruit de la mer qui descend, et si tu veux l'apprendre, elle te fera du charme avec le vent au cul et des sextants d'alarme, et la mer reviendra sans toi si tu es méchant. Les mots, toujours les mots, bien sûr. Citoyen, aux armes. Au pépé, citoyen. À l'amour, citoyen. Nous entrerons dans la carrière quand nous aurons cassé la gueule à nos aînés. Les préfectures sont des monuments à Nérin. Un coup d'aile d'oiseau ne les entame même pas. C'est vous dire, nous ne sommes même plus des juifs allemands. Nous ne sommes plus rien, il n'y a plus rien. Des futales bien coupées sur lesquelles lorgnent les gosses, certes. Des poitrines occupées, des ventres vacants. Arrange-toi avec ça. Le sourire de ceux qui font chauffer leurs gamelles sur les plages reconverties et démoustiquées, c'est-à-dire un enfer, là où Dieu met ses lunettes noires pour ne pas risquer d'être reconnu par ses admirateurs. Dieu est une idole aussi. Sous les pavés, il n'y a plus la plage, il y a l'enfer et la sécurité. Notre vraie vie n'est pas ailleurs, elle est ici. Nous sommes au monde, on nous l'a assez dit, n'en déplaise à la littérature. Les mots, nous leur mettons des masques, un baillon sur la tronche. À l'encyclopédie, les mots, et nous partons avec nos cris. Eh ouais, il n'y a plus rien, plus rien. Je suis un chien, perhaps, je suis un rat, rien. Avec le cœur battant jusqu'à la dernière battue, nous arrivons avec nos accessoires pour faire le ménage dans la tête des gens. Apprends donc à te coucher tout nu, fous en l'air tes pantoufles, renverse tes chaises, mange debout, assois-toi sur des tonnes d'inconvenances, montre-toi à la fenêtre en gueulant des gueulantes de principe. Si jamais tu t'aperçois que ta révolte s'encroûte et devient une habituelle révolte, alors sors, marche, crève, baise, aime enfin les arbres, les bêtes, et détourne-toi du conforme et de l'inconforme. Lâche ces notions, si ce sont des notions. Rien ne vaut la peine de rien. Il n'y a plus rien. Invente des formules de nuit. CLN, c'est la nuit. Même au soleil, surtout au soleil, c'est la nuit. Tu peux crever. Les gens ne retiendront même pas une de leur inspiration. Ils canaliseront sur toi leur air vicié en des regrets éternels, puant le certificat d'études et le catéchisme ombilical. C'est vraiment dégueulasse. Ils te tairont, les gens. Les gens taisent l'autre toujours, regardent à table quand ils mangent. Ils s'engouffrent dans l'innommé. Ils se dépassent eux-mêmes et s'en vont vers l'ordure et le raw ponctuel. La ponctuation de l'absurde, c'est bien ce renversement des réacteurs abdominaux. Comme à l'atterrissage, on rote et on arrête le massacre. Sur les pistes de l'inconscient, il y a des balises baveuses, toujours un peu se souvenant du frichti, de l'organe, du repu. Mes plus beaux souvenirs sont d'une autre planète où les bouchers vendaient de l'homme à la criée. Moi, je suis de la race ferroviaire qui regarde passer les vaches. Si on ne mangeait pas les vaches, les moutons et les restes, nous ne connaîtrions ni les vaches, ni les moutons, ni les restes. Au bout du compte, on nous élève pour nous becter. Alors, becquons. Côte à l'os pour deux personnes. Tu connais ? Heureusement, il y a le lit, un parking. Tu viens, mon amour. Et puis, c'est comme à la roulette, on mise. Si la roulette n'avait qu'un trou, on nous ferait miser quand même. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Je comprends les joueurs. Ils ont 35 chances de ne pas se faire mettre. Ils mettent le drame dans le couple. C'est qu'on est deux. Et qu'il n'y a qu'un trou dans la roulette. Quand je vois un couple dans la rue, je chante au trottoir, te marie pas, ne vote pas, sinon t'es coincé. Elle était belle comme la révolte. Nous l'avions dans les yeux, dans les bras, dans le futal. On l'appelait l'imagination. Elle dormait comme une morte. Elle était comme morte. Elle sommeillait. On l'enterra de mémoire. Dans le cocktail Molotov, il faut mettre du martini, mon petit. transbahuter vos idées comme de la drogue. Tu risques rien à la frontière, rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tronche. Vous n'avez rien à déclarer? Non. Comment vous nommez-vous? Karl Marx. Allez, passez. Nous partîmes. Nous étions une poignée. Bientôt, nous nous trouverons seuls, démunis, avec nos projets d'imagination dans le passé. Écoutez-les, ça rappe comme le vin nouveau. Nous partîmes, nous étions une poignée. Bientôt, ça débordera sur le trottoir. La parlotte, ça n'est pas un détonateur suffisant. Le silence armé, c'est bien, oui, mais il faut bien fermer sa gueule. Écoutez-les, tout est concierge. Il n'y a plus rien, plus rien. Si les morts se levaient, hein? Nous étions combien? Ça ira. La tristesse. Toujours la tristesse. Ils chantaient dans les rues. Te marie pas. Ceux de San Francisco, de Milan, de Paris et ceux de Mexico. Bras dessous, bien accrochés aux rêves. Ne vote pas. Oh, des C8, des pélicans, cigognes qui partent tout à l'heure. Labrador, lèvres des paysans, j'invente en bas des rennes bleues, en habit rouge du couchant. Je vais à l'ouest de ma mémoire vers la clarté, vers la clarté. Je m'éclaire la nuit dans le noir de mes nerfs. Dans l'or de mes cheveux, j'ai mis 100 000 watts. Des circuits sont en panne. Dans le fond de ma viande, j'imagine le téléphone. Dans une lande, celle où nous nous voyons, moi et moi. Dans cette brume obscène, au crépuscule teint, je ne suis qu'un voyant embarrassé de signes. Mes circuits déconnectent, je ne suis qu'un binaire, mon fils. Il faut lever le camp, comme lève la patte, lève-toi. Il est tôt, prends du vin pour la route. Dégaine-toi du rêve anxieux des bien assis. Roule, roule, mon fils, vers l'étoile idéale. Tu te rencontreras, tu te reconnaîtras, ton dessin devant toi. Tu rentreras dedans, la mue, ça se fait à l'envers. Dans ce monde inventif, tu reprendras ta voix de fille et chanteras demain. Retourne tes yeux en dedans de toi. Quand tu auras passé le mur du mur, quand tu auras outrepassé ta vision, alors tu verras rien que les pères et les mères, que ceux qui t'ont fait, que ceux qui ont fait tous les autres, que les messieurs, que les madames, que les assis dans les velours glacés, soumis, mollasses, que ces horribles magasins roulants qui portent tout en devanture, tous ceux à qui tu pourras dire monsieur, madame, laissez donc ces gens-là tranquilles. Ces courbettes imaginées que vous leur inventez, ces désespoirs soumis, toute cette tristesse qui se lève le matin à heure fixe pour aller gagner vos sous, avec les poumons resserrés, les mains grandies par l'outrage et les bonnes mœurs, les yeux défaits par les veilles soucieuses, et vous comptez vos sous, pardon, leurs sous. Ce qui vous déshonore, c'est la propreté administrative, écologique, dont vous tirez orgueil dans vos salles de bain climatisées, dans vos bidets déserts, en vos miroirs menteurs. Vous faites mentir les miroirs. Vous êtes puissant au point de vous refléter tel que vous êtes, en cravaté, en visonné, en papaouté de morgue et d'ennui, dans l'eau verte qui descend des montagnes et que vous êtes arrangé pour soumettre à un point donné, à heure fixe, pour vos narcissiques partout. Vous vous regardez et vous ne pouvez même plus vous reconnaître tellement vous êtes beau. Et vous comptez vos sous en long, en large, en marge de ces salaires que vous lâchez avec précision, avec parcimonie, j'allais dire en douce, comme ces aquilons avant-coureurs et qui racontent les exploits du bol alimentaire avec cet apparat vengeur et nivellateur qui empêche toute identification. Je veux dire que pour exploiter votre prochain, vous êtes les champions de l'anonymat. Les révolutions, parlons-en. Je veux parler des révolutions qu'on peut encore montrer, parce qu'elles vous servent, parce qu'elles vous ont toujours servi. Ces révolutions qui sont de l'histoire, parce que les histoires, ça vous amuse avant de vous intéresser. Et quand ça vous intéresse, il est trop tard. On vous dit qu'il s'en prépare une autre. Lorsque quelque chose d'inédit vous choque et vous gêne, vous arrangez la veille toujours la veille pour retenir une place dans un palace d'exilés, dans un pays sûr, entouré du prestige des déracinés. Les racines profondes de ce pays, c'est vous, paraît-il. Et lorsque on vous transbahute d'un désordre de la rue, comme vous dites, à un ordre nouveau, vous vous faites greffer au retour et on vous salue. Depuis 200 ans, vous prenez des billets pour les révolutions. Vous seriez même tenté d'y apporter votre petit panier pour n'en pas perdre une miette, n'est-ce pas? Et ces vauriens qui vous amusent, ces vauriens qui vous dérangent, on les enveloppe dans un fait divers, pendant que vous enveloppez les vôtres dans un drapeau. Vous vous croyez toujours, vous autres, dans un haras. La race, ça vous tient debout dans ce monde que vous avez assis. Vous avez le style du pouvoir. Vous en arrivez même à vous parler à vous-même comme si vous parliez à vos subordonnés, de peur de quitter votre stature, vos boursouflures, de peur qu'on vous monte du doigt dans les corridors de l'ennui et qu'on se dise « Tiens, il baisse, il va finir par se plier, par ramper. Soyez tranquille, pour la reptation, vous êtes imbattable. Seulement, vous ne vous la concédez que dans la métaphore. Vous voulez bien vous allonger, mais avec de l'allure. Cette allure que vous portez, monsieur, à votre boutonnière. Et quand on sait ce qu'a pu vous coûter de silence aigre, de renvois mal aiguillés, de demi-sourires séchés comme des larmes, ce ruban malheureux et rouge comme la honte dont vous ne vous êtes jamais décidé à empourprer votre visage, je me demande pourquoi la nature met tant d'entêtement, tant d'adresse et tant d'indifférence biologique à faire que vos fils ressentent à ce point à leur père. Depuis les jupes de vos femmes matrimonières jusqu'aux salonnardes équivoques où vous les dressez à boire dans votre grand monde à la coupe des bien-pensants. Moi, je suis un bâtard. Nous sommes tous des bâtards. Ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est que votre bâtardise à vous est sanctionnée par le code civil sur lequel, avec votre permission, je me plais à cracher avant de prendre congé. Soyez tranquille, vous ne risquez rien, il n'y a plus rien. Et ce rien, on vous le laisse. Foutez-vous-en jusque-là, si vous pouvez. Nous, on ne peut pas. Un jour, dans 10 000 ans, quand vous ne serez plus là, nous aurons tout, rien de vous, tout de nous. Nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles, les bêtes enfin détraquées, la priorité à gauche, permettez. Nous ne mourrons plus de rien, nous vivrons de tout. Et les microbes de la connerie que vous n'aurez pas manqué de nous léguer montant de vos fumures, de vos livres engrangés dans vos silothèques, de vos documents publics, de vos règlements d'administration pénitentiaire, de vos décrets, de vos prières même, tous ces microbes juridiques aux pantoufles, soyez tranquilles, nous avons déjà des machines pour les révoquer. Nous aurons tout dans 10 000 ans. Texte toujours à la scène, je reviens. Fameux texte déchirant de Léo Ferré. Je sais pas pourquoi j'ai lu la scène. Ah oui, j'ai tout trouvé. Il y avait trop de volume dans le studio. Bon, et ben pour finir, parce que j'ai pas trouvé mes slams en question, mais je vais vous passer le concours galère qui a précédé justement les slams en 2013-14. Alors c'était, là c'est la deuxième, on a cinq histoires, je ne sais pas si on les écoutera toutes, on verra. CD numéro 2, on avait fait les CD à l'époque, ah oui ça fait quand même chacune 11 minutes. Bon, écoutez, on va voir un petit peu. Moi j'ai envie de passer les âmes bleues, par Marie-Claire Collin, qui a participé aussi au concours Insurrection Poétique, qui a d'ailleurs eu le deuxième prix Poésie. Ou bien des nouvelles, ou le premier prix Nouvelles. Oui, oui. Non, le deuxième prix Poésie, voilà. Eh bien, là, voilà, Les âmes bleues, tiens. Marie-Claire Collin de Vintron. Les âmes bleues. Laurent Pirel, c'est moi, dernier guillotiné de la Bresse, en l'an 1826, le 6 février, à 2h30 de l'après-midi. Je suis bouché, j'ai 39 ans, plutôt beau gars, mon visage rond, éclairé par deux grands yeux gris, et la petite verrue au-dessus de mon œil droit me donne cet air coquin de mon père. Tout a commencé le 1er décembre 1824, quand Jean-Nicolas Remy a retrouvé sa fille, Thérèse, âgée de 21 ans, assassinée à quelques pas de sa maison. Elle était à demi dévêtue, les jambes nues, les bras croisés sur la poitrine. Sa tête, couverte de sang et de cheveux en désordre, était détachée de son corps, ses doigts de la main gauche, à l'exception du pouce, était coupé en dedans et transversalement jusqu'à l'os. Le doigt auriculaire de la main droite avait aussi une blessure, entre la première et la seconde phalange. Sa main droite serrait une touffe de ses cheveux. Tout autour de son corps, des traces de chaussures cloutées, beaucoup de traces. Impossible de dire si elles avaient été faites par une seule ou plusieurs personnes. Ces mêmes traces se retrouvaient sur un petit tas de fumier au bord de la fenêtre de la chambre de Thérèse, puis se perdaient sur un terrain environnant sans laisser d'empreinte. Ce jour-là, 1er décembre, j'ai tout de suite compris que ma vie allait basculer et tout s'est embrouillé dans ma tête. J'habite à l'extrémité de la colline, là où l'hiver, la bise souffle si fort qu'elle forme le long des berheux une énorme chivée de neige et il en faut des coups de pelle pour faire la frayer. Le printemps souvent se fait attendre et lorsque la neige tombe drue, je rêve de prés fleuris, de parfums de violettes et de chants du coucou. Comme ces rêves sont doux, émaillés des caresses de la jolie Thérèse, mais comme sont frustrantes les réprimandes de la veuve Hans. Elle dort dans la même chambre que moi. Elle ne comprend pas pourquoi mes nuits sont si agitées. Thérèse est la plus belle et la plus douce de toutes les femmes que j'aime à cette époque-là. Nous nous retrouvons à la nuit tombée, derrière le cerf de Charbonnette, près de la ferme où elle habite avec ses parents et sa sœur. Elle sait y faire la bougre. Et personne chez elle ne se doute de ses escapades par la porte de derrière de l'écurie, contiguë à la chambre derrière, où elle dort dans le même lit avec sa sœur de 14 ans. Son corps, agile comme celui d'une jeune chevrette, se faufilant dans les brins béliers, sautant les levées, se suspendant aux branches de noisetier. Quand le souffle de ses robes s'enroule autour de mes jambes, au moment où j'essaye de déposer un baiser dans le creux de sa chemise, je deviens fou. Du bout des lèvres, je glisse le long du ruban de velours noir, bien serré autour de son cou, à l'extrémité duquel pend un petit Christ d'argent. Je sais qu'il me suffit de desserrer juste un peu son corset pour sentir onduler sous mes doigts sa peau douce et désirable. Nous faisons alors l'amour comme des bêtes, et dans ces moments sublimatoires, il m'arrive même de lui promettre une vie facile. Moi, l'avare et le radin, que tout le monde surnomme Pissenette. Je lui glisse alors dans le creux de sa gorge un bel écu brillant qui déclenche ses ailes un long sourire complice scellé bien vite par mes lèvres brûlantes. Nous devions nous marier. Nous allions nous marier. Ce n'était pas le Jean-Nicolas, son père, qui aurait dit non, trop content des pièces rapportées par sa fille. il devait déjà avoir une confortable goyotte. J'étais riche, il était pauvre. Pauvre, mais le cœur chaud comme sa fille. Et l'autre jour, alors que nous en étions à notre troisième ou quatrième tournée d'absinthe, il m'avait laissé entendre que la petite Thérèse, ma foi, elle était quand même mieux au lit que sa mère. J'avais serré les dents et retenu mon poing. Et puis, il y avait la femme Poirot. Une sacrée garce, celle-là. Passe son temps à rezioter, vexée que je n'ai pas répondu à ses avances. Elle invente des rumeurs qui se répandent comme traînées de poudre dans les corvées ou les coins rouges. Les soi-disant confidences de Thérèse sur l'absolution que le prêtre ne lui avait pas donnée après sa confession, faux, archi-faux. Par contre, ce Jacob Mangviller, ce contremaître de tissage où avait travaillé Thérèse, c'est à cause de lui que je dépensais fortune à chacune de mes rencontres avec elle. Car celui-là, il a de l'argent aussi, beaucoup d'argent, qui vient de Suisse. Ça ne lui coûte pas beaucoup, chaque 15 jours, lorsqu'il vient réparer le métier à tisser qu'elle a dans sa chambre, de s'offrir un petit extra avec elle. Ça le change un peu de la veuve Aubert. Et ce Zadelon, persuadé qu'il allait épouser Thérèse et ainsi avoir la préférence. C'est bien lui qui m'a mis une roupée après la veillée chez les Hans, quand il s'est aperçu que Thérèse ne m'était pas étrange. Et les trois frères Curien, trois voyeurs ceux-là, ils avaient bien repéré, par la petite fenêtre, l'ombre de Thérèse ôtant son corset avant de se coucher. Ils n'étaient pas pressés de l'avoir soufflé la bougie, les gredins. Et du bord du ruisseau jusqu'à sa chambre, il n'y avait que 150 pas. Il traînait, soi-disant, une perche de la poche d'à côté, le soir du crime, lorsqu'ils ont vu un homme se diriger vers la ferme de Thérèse. Ils ont pris peur, croyant qu'il s'agissait d'un garde forestier. Des voyeurs, je vous dis, poltrons, malhonnêtes, avec des chaussures cloutées. Ils en étaient tous amoureux. Je dis bien tous, tous jaloux à l'idée que je la troussais quand je voulais, comme je voulais. La femme Poirot décrivait nos ébats amoureux cachés derrière un buisson de ronces avec son enfant en évoquant nos échanges de caresses tellement libres, tellement familières, qui se prolongeaient si longtemps qu'elle en trouvait le sommeil, laissant sa fille de 6 ans continuer à nous regarder. C'est vrai, ce jour-là, nous avions cueilli des noisettes. C'était une de ces belles journées chaudes de septembre, empreintes de la fumée des bois de pommes de terre que les paysans brûlaient dans leurs champs. Les deux vaches, noires et blanches, ruminaient tranquillement au milieu des linaigrettes et des carottes sauvages, en faisant tinter de temps en temps la cloche ciselée qu'elle portait autour du cou. Thérèse essayait d'attraper les belles noisettes dorées sans les faire tomber le leur cosse. Elle se cramponnait aux branches souples pour en arracher les fruits délicatement, puis elle se laissait tomber sur l'herbe craquante et parfumée, libérant ses pieds fins de ses sabots de bois. Je l'embrassais alors avec fougue en m'empêtrant maladroitement dans ses nombreux jupons et l'étroitesse de son corset. Je pénétrais avec délice dans sa culotte fendue, laissant cours sans retenue à nos fébriles ébats. J'en étais encore tout remué. À présent, je hurlais de toutes mes tripes que ce n'était pas moi qui avais tué Thérèse. C'était impossible. Je l'aimais si fort. J'étais prêt à mourir pour elle. Trop jeune, la gamine de la mère Poirot, pour témoigner de la sincérité de notre amour. Personne ne m'écoutait. Personne ne me croyait. Moi, le boucher, capable de tuer, sans sourciller, une vache ou un cochon, en leur plantant droit dans la gorge un couteau pointu qui faisait trisser de longues giclées de sang chaud et gluant. Aucun signe d'émotion quand je les entendais beugler au bout de la corde qui les traînait à l'abattoir. aucun signe d'émotion quand les petits yeux du cochon, enfouis dans le gras de ses joues, me suppliaient de l'épargner. Moi, le boucher, avec mes grosses mains, habitué à tripoter la viande. Moi, le boucher, qui aurait dit dans une fanfaronnade, après quelques bons verres d'absinthe, que j'aimais mieux un écu dans ma poche qu'une femme à côté de moi. Moi, le mauvais fils, capable de porter la main sur mon père. Moi, l'escroc, le voleur, le rusé, le violent, le scélérat. Il n'y a pas eu de mots assez forts à mon encontre lors de mon procès. Je me suis même vu accusé, par l'opinion publique, d'avoir assassiné un voyageur près du lac de Maché. J'ai alors hurlé de toutes mes forces que cela n'était que des bobards, que cet Alsacien, je ne le connaissais pas, jamais vu, jamais entendu parler. Tout le monde s'y est mis pour m'accuser, même ma propre sœur. J'étais abasourdi. J'ai bien essayé de leur faire comprendre à ceux du tribunal qu'ils se trompaient d'assassin, que je l'aimais trop pour lui faire ça à ma Thérèse. J'ai bien essayé d'appeler à ma rescousse quelques amis justes et honnêtes pour témoigner en ma faveur en leur distribuant quelques pièces. J'ai bien essayé de crier à l'aide en écrivant depuis la prison à mon fils, mais ils ont trouvé la lettre. Je parlais de monsieur le maire et du fils de Jean Vaxelaire, marchand à la Bresse. Celui-là, je le détestais, depuis qu'il travaillait en Rambervillers. Il était jeune et beau, et je craignais le pire, lors de ses passages dans le coin. Thérèse s'était laissée séduire par lui, le soir de la fête patronale, et elle serait bien partie avec lui, loin de tous ces hommes qui lui couraient après. Il avait une belle situation depuis qu'il venait de terminer son apprentissage de sellier, et l'odeur du cuir sur sa peau devait être plus agréable que l'odeur du sang ou de la viande morte sur la mienne. Amé Claudel, que j'appréciais, avait bien envoyé une lettre anonyme au juge de paix, certifiant qu'il avait vu Vaxelaire à la Bresse l'avant-veille de l'assassinat. Mais son témoignage a tourné court. Trop timide, trop craintif à me pour certifier avec conviction qu'ils les avaient bien vus ensemble, la Thérèse et le fils Vaxelaire. Mais à quoi bon, puisque tout le monde était convaincu à la Bresse que moi, Laurent Pierrel, j'étais l'assassin. Pourtant, il ne dirait rien face au tribunal, lui, mon ami, Amé Claudel. Il en avait déjà trop dit dans sa lettre anonyme, et l'opinion publique se chargeait bien de lui faire regretter amèrement. Ils ont fendu le corps de Thérèse. Ils voulaient voir si elle était enceinte. J'en savais rien, moi, si elle était enceinte. D'ailleurs, ça ne m'empêchait pas de la voir quand elle avait ses règles. Le sang, je ne le craignais pas, et je ne me préoccupais jamais de savoir si elle les ravait. Le mioche a été conçu soi-disant au mois d'août. J'étais malade, 15 jours, clouée sur ma paillasse de fougère, avec un mal de jambe pas possible. Je n'arrivais même plus à enjamber une mitrutche. Ça m'a pris un dimanche. Je guinchais sur une chaume quand j'ai senti une affreuse douleur à la jambe droite. C'est Amé qui m'a reconduit chez moi, sur sa voiture à échelle. Il faisait les foins par là. Justement, elle y était, la Thérèse, à la chaume. Le fils Vaxelaire aussi. Ils ont dû être contents, les deux là, de me voir mal en point. Depuis la mort de Thérèse, ils ont trouvé bizarre que je ne sois plus gaie, que mon humeur ait changé, que je sois triste, rêveur et abattu. Ah, ils sont farces, ceux-là. On assassine ta chérie, on la découpe en morceaux, et tout continue comme avant. Ah, ma Thérèse, j'aimais la regarder quand elle travaillait sur son métier à tisser, sa façon délicate d'arranger ses jupons quand elle s'asseyait sur le banc devant le bâti du métier. Elle se donnait droit comme un i. Ses petits doigts agiles projetaient la navette entre les fils qui se serraient les uns contre les autres d'un coup de peigne. Et clac, et clac, et clac. Elle se dandinait avec grâce sur son petit derrière pour choper un fil coupé et le relier. Ah, ma Thérèse, ma joueuse de harpe, ma danseuse étoile, mon petit feu follet. Qui a pu lui massacrer ses jolis doigts de fée et son extraordinaire visage de chérubin? Je n'aurais jamais de la vie pu lui faire ça. Jamais de la vie. Je suis innocent. Vous entendez? Innocent. La femme poireau? Une garce. Une jalouse. Une fauchetonne. Une menteuse. Une moins que rien. Pas un de ces messieurs n'est allé vérifier ces racontars. Pas un. Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent. Et le couperet tomba. Depuis près de 200 ans, moi, Laurent Pirel, je suis une âme errante, contrariée d'être née au XVIIe siècle. Puisque maintenant, grâce aux analyses ADN et à la suppression de la peine de mort, je pourrais encore m'adonner à mes plaisirs favoris en allant taquiner les bougresses. Un coupable puni est un exemple pour la canaille. Un innocent condamné est l'affaire de tous les honnêtes gens. Jean de la Bruyère, Les Caractères, 1688-1696. C'était donc la nouvelle de Marie-Claire Collin, Les âmes bleues. Bon, je vais vous en passer sans aucune autre. Mais là, je vais vous faire écouter un musicien que j'ai découvert à Marseille, là, Levon Minassian. Remarquable, c'est Song pour un monde à part, particulier. Voilà, Minassian. Avec le doudouk, cette flûte arménienne.

musique arménienne, Levon Minassian. Il vit à Marseille, ce Levon Minassian. Je l'avais vu. Et sur le dos du disque, il est dit, il est question du doudouk. Doudouk, flûte sauvage, ton appel infini est un puissant breuvage s'opposant à l'oubli. À vos souhaits. Voilà. Eh ben, on va presque terminer la soirée parce que on d'habitude on fait 3 heures, mais il m'a manqué une séquence slam, je vous l'ai dit. Mais rattrapez-vous pour le slam aux émissions qui passent régulièrement. Le vendredi, ben, c'était ce soir à 19h, mais encore vendredi prochain. Et puis le lundi à 11h, et le mercredi soir à 20h. Voilà. Avant la rediffusion de la dite de notre émission à nous. Bien. Donc retenez cela. Là, on va retourner, puisqu'on parle de nos actions littéraires de la radio, et actuellement c'est l'action Slam. Eh bien, on retourne à cette action Prix Galère qui a fait notre année 2013, une idée de Raymond Claudel. Et à l'époque, donc on a embrayé, notamment un peu tout le monde. Il y avait Luisa à l'époque, qui était président de la radio. Sophie l'était justement au départ du démarrage de l'action. La médiathèque départementale, en la personne de Gaël Fromentin et de Natacha Dupuis, sont venus nous voir, nous soutenir. Ça fait qu'on a été très encouragés. C'est pour ça qu'après, on a fait, du moins l'Union des écrivains vosgiens, avec l'appui de la radio, le concours Insurrection politique. Et là, à nouveau, la médiathèque départementale, pour l'action Slam, nous encourage fortement. On est parti un peu tard par rapport au printemps des poètes, mai-juin, mais on se rattrapera pour le printemps 19, et c'est quelque chose qui est à cultiver, ce slam. Alors, je le disais, et maintenant, s'agit-il que je retrouve mon disque. Alors, qu'est-ce que je vais vous passer? Il y a Hugo Jaco, Un miraculeux réveil. j'ai envie de vous passer ça, voilà. Une autre fois, j'en passerai d'autres. Il y en a eu 10. Honoré et enregistré. Un miraculeux réveil. Chapitre 1. Karim, un homme d'environ 40 ans, grand, beau, charmant, avec des yeux magnifiques, mis en évidence par une coupe de cheveux style années branchées qui faisait craquer toutes les femmes. Il avait une épouse, Clara, et était le père heureux de la petite Tatiana de 3 ans, tout juste rentrée à l'école maternelle. Enfin, sa vie professionnelle n'avait cessé d'être une succession de réussites et aujourd'hui, son talent d'architecte était reconnu de tous. Tous les jours, on le sollicitait pour de nouveaux chantiers. Son chef se complimentait d'avoir trouvé la perle rare. Grâce à son revenu, sa famille et lui vivaient dans une grande maison en bord de mer. Tout semblait ne pouvoir s'arrêter. Mais un jour, Karim sortit de son boulot un soir d'automne comme tant d'autres. Le temps était maussade et la pluie n'allait pas tarder à s'inviter. Il entra dans sa voiture et commença la route qui le séparait de son chaleureux foyer. Filant à toute allure sur l'autoroute, il remarqua qu'une grosse goutte venait de s'écraser sur le pare-brise de sa berline. Puis une autre, et une autre. Lui, qui était toujours prévenant du danger, il jugea plus prudent de rouler tranquillement derrière un poids lourd. C'est alors que son smartphone vibra. Immédiatement, il regarda le message de son patron « Bon week-end et à lundi !» Mais pendant qu'il lisait ce texto, il n'avait pas eu le temps de voir que le camion avait pilé net. Il freina, mais la voiture s'enfonçait déjà dans l'arrière du transporteur. Le choc fut dur. Des morceaux d'aluminium et de carrosserie volèrent. Il sentit son ventre écrasé, déchiré. Des morceaux de verre couvraient l'intérieur de la voiture et la douleur intense lui fit perdre conscience. Ses yeux se fermèrent. Une semaine plus tard, Karim se réveilla dans un lit avec des fleurs posées sur une petite table de chevet à côté de lui. Un lit qui n'était d'ailleurs pas le sien. Une grosse femme vêtue de blanc se précipita sur lui. Alors il comprit et se souvint enfin de ce tragique accident de cette soirée-là. Malgré ses blessures, il se sentait bien, comme euphorique après cette épreuve qu'il venait de passer. Mais lorsque Karim tenta de se relever, ce fut sans succès. Il ne sentait plus ses jambes, plus rien. Les heures passèrent sans qu'aucun signe de vie de sa famille et sans que personne ne se fasse connaître. Ce n'est qu'à 19h que Clara passa la porte de la chambre blanche. À la vue de son mari sur le lit, elle fondit en larmes. Elle lui raconta que les chirurgiens avaient fait le maximum pour qu'il garde le moins de séquelles possible. Mais malheureusement, l'une de ses deux mains avait été gravement touchée et ses jambes avaient été compressées par la violence de l'accident. À ces paroles, Karim eut un petit moment d'absence. Comme si toute cette histoire n'était qu'un cauchemar, qu'il allait se réveiller dans son lit à côté de sa femme. Mais il ne put se cacher la dure vérité plus longtemps. Chapitre 2. 15 jours après le drame, Karim sortit enfin de l'hôpital en fauteuil roulant. Une jambe en moins, le visage défiguré et scarifié. Il rentra enfin chez lui 2 semaines après le fameux vendredi fatal. Les jours passaient. La bonne entente familiale se détériora peu à peu. L'éloignement de Clara grandissait. Elle ne pouvait plus supporter les problèmes de Karim et elle devait s'occuper constamment de lui, le nourrir, le doucher, le coucher comme un nouveau-né. Un matin, en apparence comme les autres, Karim se réveilla, mais au lieu de se faire redresser par sa belle et jolie jeune femme, ce fut une dame grassouillette en blouse blanche qui s'en chargea. L'inconnue apporta une lettre, la posa à côté de sa main valide et partit hors de la chambre sans un mot. « Karim, je suis désolée, je ne peux plus gérer ton handicap. Cela devient invivable pour moi, je ne peux plus. Karim, si tu m'aimes, je te demande de me laisser partir. Pour Tatiana, nous reverrons pour trouver un arrangement qui nous convient à tous les deux. Malgré tout, j'ai l'espoir que tu ailles mieux et que nous pourrons à nouveau reformer une vraie famille. PS, j'ai engagé une femme qui t'aidera dans ta vie et dont je paierai les frais. Clara. À ces quelques mots, Karim sentit une sensation le submerger. Non pas de la tristesse, mais de la colère, de la rage. Il avait été abandonné par sa propre famille, comme un chien. Depuis ce jour, Karim reprit le travail malgré son handicap. Tous les jours, la grosse femme en blouse blanche le déposait et venait le rechercher au bureau. Mais l'envie de travailler avait disparu. Certains autres jours, il ne prenait même plus la peine de se lever ou aller travailler avec quelques heures de retard. Son patron ne savait plus s'il devait ou non compter sur lui, mais il voulait continuer à croire que son meilleur collaborateur avait un moment de déprime et que cela allait s'estomper au fil du temps. Les semaines passèrent, plus longues les unes que les autres, et les absences de Karim se firent de plus en plus fréquentes. Il ne prenait même plus la peine de téléphoner pour prévenir. Un matin, Germaine, qui était la dame en blanc au léger embonpoint chargée de s'occuper de lui, lui apporta une nouvelle lettre. Celle-ci était tamponnée du logo de l'entreprise où Karim travaillait. « Monsieur Renouac, nous avons le regret de vous annoncer qu'en raison de vos nombreuses absences et des dossiers non rendus depuis plus de 2 mois, et suite à votre manque de travail constant, vous êtes renvoyé de la CHALM. Néanmoins, la prime de licenciement que nous jugeons vous devoir a été virée sur votre compte et vous recevrez d'ici quelques jours l'accusé de réception vous signifiant votre licenciement. Cordialement, Madame Tachia, la secrétaire du directeur général. Chapitre 3. À cette nouvelle, Karim n'eut aucune réaction et il s'en contrefichait totalement. Il se mit dans son fauteuil roulant et se dirigea péniblement vers la porte d'entrée, malgré toutes les supplications de son infirmière pour qu'il ne sorte pas. Une fois dans la rue, il appela un taxi et prit la direction du bar le plus proche. Le chauffeur fut d'abord un peu gêné, puis il accepta d'emmener ce client malgré son handicap. Lui qui n'avait jamais touché à l'alcool avant, découvrit cette drogue. Les jours passaient et il finit par avoir ses habitudes. Le même chauffeur de taxi venait le prendre le matin devant son domicile et le ramenait le soir chez lui. Il sombrait de plus en plus et devint pleinement dépendant à l'alcool tant il était accoutumé à la boisson. Un lundi, il poussa son fauteuil vers le bar et s'arrêta juste à côté d'un homme imposant. Comme Karim approchait de ses lèvres son quatrième verre de whisky, l'homme le lui retira d'un geste brutal. « Arrête de tesser cette cochonnerie! Crois-tu que tu te sortiras de tes emmerdes avec tes lichettes de whisky? Tu vas te beugner la figure à force. Crois-moi, ou pas, moi aussi j'étais dans ton cas avant. » Mais puis maintenant, comme toi j'ai eu ma dose, le boulot qui flanche, la femme qui nous quitte d'un jour à l'autre. Comme toi j'ai beaucoup raillé et beaucoup viré de l'agneau. Mais j'ai rebondi. Pour décrocher, je suis partie me ressource chez moi, à Gérardmer. J'ai parlé avec une zobette rencontrée en ville et j'ai schmiqué tout de suite que ça marcherait entre nous. Sur ces mots, l'homme se leva et lança un « Mon vieux, faut du courage !» Avant de partir, Karim ne sut pas comment traduire la sensation qui le submergeait, mais il sentit qu'une flamme s'était rallumée au plus profond de lui. La semaine suivante fut remplie de bonnes résolutions. Il déménagea dans les Vosges, car c'était de cette région qu'avait parlé le vieux, en évoquant Gérardmer. En même temps qu'il préparait son départ, il envoya son CV à plusieurs entreprises et alla voir le juge pour obtenir la garde de Tatiana. Dès son arrivée dans la région, il se prit d'affection pour ce paysage si dépaysant. Il s'étonna même de s'inscrire dans une salle de sport pour muscler ce qui lui restait de corps. En attendant d'obtenir un nouveau poste, Karim remplaça ses tournées dans les bars par des jours et des jours de sport. Musculation des bras qui naît de la jambe valide. Dans cette localité, tous les habitants semblaient épris de culture physique. Trail, ski, VTT, etc. Aussi, Karim fut-il rapidement contaminé par l'air local. Le sport était devenu sa préoccupation principale, surtout depuis qu'il avait regardé un reportage sur un homme handicapé qui avait perdu ses bras et ses jambes, mais qui avait réussi à traverser à la nage la Méditerranée. Il voulait lui aussi réaliser un exploit semblable, juste pour rendre sa fille fière de son père et prouver à tous qu'il était loin d'être fini. Il décida donc de parcourir le Tour de France à la seule force de ses bras en moins de jours qu'il n'en faut aux professionnels du vélo. Karim s'entraînait régulièrement et chercha des sponsors qui l'aideraient dans son challenge. Une chaîne de télévision vint même l'interviewer. Il restait 5 mois avant le jour J, mais Karim sentait déjà le bout du tunnel approcher. Il était déterminé comme jamais. Voilà, c'était un des aspects du concours Galère. C'était donc le texte lu par Dominique Gravier, qui d'ailleurs enregistre aussi les slams, Un miraculeux réveil par Hugo Jacquot. Voilà. Bon, ma foi, Actuellement, l'écriture, c'est dans le slam, puis c'est aussi, outre la pièce dont je vous ai parlé au début, Eldorado, pièce fantastique, voyage dans l'imaginaire, à la lisière du réel, bien sûr. C'est aussi après-demain, et là je travaille dessus en ce moment, on vous en parlera, des textes nouveaux sur le thème de Alice au pays des merveilles. Voilà. Voilà, le texte est émerveillé, encore tout à fait autre chose. Oh, ça peut être de l'ardeur aussi, du slam, de l'énergie en tout cas. Voilà, ben, je vais vous passer un petit peu de flamenco. Musique de l'énergie, musique du El Duende, comme disait Federico Garcia Lorca, et récemment Higelin, enfin récemment, on a entendu Higelin, on a réentendu à cause de la mort d'Higelin, que nous saluons, on a réentendu ce El Duende de Federico Garcia Lorca, ce qui est le génie particulier qui jaillit, qui s'empare du joueur de flamenco, et comme tout à l'heure on entendait Jan Vanek, eh bien, c'est la même frénésie que pour le jazz manouche de Jan Vanek, la frénésie du duende qui est ce génie qui rentre dans le guitariste, le chanteur, et qui le fait porter au-delà de lui-même dans une gerbe de création, au pays des merveilles, en quelque sorte. Los Malagueños. Thank you. c'était sur ce flamenco de Los Malagueños que nous allons nous quitter. Je me suis enroué entre temps, hein. Vous avez vu, c'est pas grave, ça va revenir, il y a intérêt, parce qu'il faut que je clame des textes à contexte insolite. Je résume. On va faire ce qu'on appelle une performance, on avait déjà fait ça au Printemps des Poètes, avec des textes à nous, et écrit un atelier sur le thème du merveilleux, on va dire, là, pendant qu'un peintre peint ce que nous disons, enfin là ça sera une espèce d'aile de papillon, et un musicien improvise là-dessus. Voilà. Eh ben, à bientôt, je vais vous quitter, là, j'ai rempli les 3 heures, le contrat est fait, c'est bien, bonne nuit, eh ben voilà, bonne grève à la SNCF, pas trop parce que je prends le train, et, un peu quoi, mais suffisamment. Qui laisse un peu mon train, quoi, voilà. Mais, après tout, il vaudrait mieux qu'il ne le laisse pas. Hein? Allez, arrivederci, bonne nuit, beau rêve.